se perd mais ne se vante pas. Assez couillu pour être ton barman ou faire le chauffeur du Birdman. Fais gaffe à ce cas, ça t'écœure pas. Qu'un vrai bonhomme ça pleure pas. Frenos cesse de polir le cher chat. Nos vies c'est rien comparé à d'autres. Pour eux Paname c'est fort à l'amour. Ils scurent tous tes nasos à la Maradona. Moi je suis pas dans le délire, je connais pas le pardonnage. Alors ferme ta gueule et ramène plutôt une pouffe genre Belladonna. Frelo, t'es marre avant qu'un de ces fils de pute te passe les bras. La douleur est cérébrale, on sait. Je suis pas tout le temps au B, je te le concède. Alors va te fermer, toi et tes vieux conseils. Je vais combattre cette vie, mais je me mange que des athémies. Je trouve ça pénible que tu veuilles qu'on survive qu'avec des ascétiques. On veut le choc à ta pile, nous mettre le feu à ta ville. Crois pas qu'on en veut à la pudeur à ta fille. Le diable nous ouvre ses portes, un putain de mal, nous guette. À peine était déjà mort, tiens, nous guette. Toute cette agressivité qui remplit ton net n'est que de la futilité, l'honneur c'est l'humilité. Le diable nous ouvre ses portes et il nous guette. À peine était déjà mort, tiens, nous guette. À ce qui paraît, ça se marie, près du marais, le monde est guette. Viens pas nous tester. Moi je suis un rageux, un putain d'archer dalleux prêt à tout gâcher. Être majeur c'est rapidement assimiler que la vie c'est pas un jeu. J'en peux plus tous ces lâches, toutes ces pages blanches qu'il me faut noircir avant que me lâche le manche. Ah ouais genre tu mitraves, que t'es le mec qui mitraille. Que tu t'es fait un des schmitts de Riptide. C'est bien pour toi si t'as évité les DGI, le frigo vide et les pleurs de ta mère quand la justice domine. Frelo, démarre, éloigne-moi de tous ces bâtards. Car dans ma tête c'est le vacarme. À table faut que tu sois pour que tu savoures ma cape. Incapable, ce que tu me donnes pas je m'en accapare. Fais pas le chelou, c'est que du rap. Mais nous on n'est pas du genre à prendre l'arrêt. Mais jusqu'au bout on cherchera les sous. T'as connu le timbre, le délire. Alors prépare-toi pour les enfants terribles. Le diable nous ouvre ses portes, un putain de mal nous guette. À peine était déjà mort, tiens nous guette. Toute cette agressivité qui remplit ton net n'est que de la futilité, l'honneur c'est l'humilité. Le diable nous ouvre ses portes, il nous guette. À peine était déjà mort, tiens nous guette. À ce qui paraît ça se marie, près du marais le monde est dead. Viens pas nous test.